J'ai commencé à rapper entre des tchèques et des ritales, des chiens sans héritage. J'essaie mais l'échec est véritable. Et forcément la drogue ça pèse. On en a jusqu'au cou, chacun son trou, chacun s'appelle fou. On trouve ça juste trop cool. Ça c'est le début de ma carrière, tu captes. Je m'en bats les couilles de savoir pourquoi j'envoie ma ceinture à l'arrière du car. La blanche a fracassé des portes. Et si ma feuille est aussi, c'est que mon stylo me sert qu'à fumer le crack à cette époque. Je suis le bras cassé des pauvres. La valeur d'un homme, je la connais mais gros. J'ai pas assez d'épaules pour porter le malheur d'un autre. Pour écrire ce que j'ai écrit, un vrai con ferait l'affaire avec la fièvre. Nous on se regarde maigrir, pareil qu'on fait la fin. Un dernier tango dans les bras de l'amour. Et le public s'esquive, je nique la vie. Mais dans les draps de la mort, fait plus qui baisse qui. Un mauvais vent qui m'amène sur scène et dans la salle. Rit ma mère, mon peur assaigne et tous ces gens-là savent. Si j'ai coché les 7 péchés, si je les assume, oui rien à cracher à l'évêché. Si Dieu les assume, on m'a dit que le passa, puis un accueil passable. Bienvenue et t'installe pas, mec, on est que de passage. Gros, chiant à l'évitation à danser. Réellement une tempête, moi je les prie pour une invitation à danser. Alors danse avec les mêmes rats, le tour de la terre. Allez, ça mènera où ça mènera, tourne la tête. Si j'ai coché les 7 péchés, si je les assume, oui rien à cracher à l'évêché. Si Dieu les assume, on m'a dit que le passa, puis un accueil passable. Bienvenue et t'installe pas, mec, on est que de passage. Gros, chiant à l'évitation à danser. Réellement une tempête, moi je les prie pour une invitation à danser. On m'a dit tu trouveras tout ça paiera, où ça te plaira. Mais ce putain de mauvais vent qui souffle est rare, il pousse à paiera. Voilà, ce type c'est moi. Et sa vie c'est la mienne. Seulement aujourd'hui, cette vie je la recommence. Je repars à zéro. Oui messieurs dames. Aujourd'hui,